Ils allaient, c'était des gens qui allaient au jardin, ils allaient aux champignons, ils allaient aux escargots. Ah oui, ils suivaient. Bon, aussi. Alors ils allaient aux escargots aussi bien à 7-8 km. Alors s'ils en retrouvaient un, ben, ils s'arrêtaient au café du village pour déjeuner, parce qu'ils partaient jamais sans avoir à déjeuner. Hein. Ils partaient toujours avec la musette, hein. Ça faut pas encore qu'ils partaient les mains dans les poches. Hein. Ils avaient toujours ce qu'il fallait pour tenir le coup. Hein.